Pêcheurs d'Islande. Troisième partie. Chapitre 17. Décidément, il les accompagnait jusque chez elle, sans doute. Ils s'en allaient tous trois comme pour l'enterrement de ce chat. Et cela devenait presque un peu drôle maintenant de les voir ainsi passer en cortège. Il y avait sur les portes des bonnes gens qui souriaient. La vieille Yvonne au milieu portant sa bête, Gaude à sa droite en troublé et toujours très rose, le grand Yann à sa gauche, tête haute et pensif. Cependant, la pauvre vieille s'était presque subitement apaisée en route. D'elle-même, elle s'était recoiffée et, sans plus rien dire, elle commençait à les observer alternativement l'un et l'autre, du coin de son œil qui était redevenu clair. Gaude ne parlait pas de peur de donner à Yann une occasion de prendre congé. Elle eût voulu rester sur ce bon regard doux qu'elle avait reçu de lui, marcher les yeux fermés pour ne plus voir rien autre chose, marcher ainsi bien longtemps à ses côtés dans un rêve qu'elle faisait, au lieu d'arriver si vite à leur logis vide et sombre où tout allait s'évanouir. À la porte, il y eut une de ces minutes d'indécision pendant lesquelles il semble que le cœur cesse de battre. La grand-mère entra sans se retourner, puis Gaude, hésitante, et Yann, par derrière, entra aussi. Il était chez elle pour la première fois de sa vie, sans but probablement, qu'est-ce qu'il pouvait vouloir. En passant le seuil, il avait touché son chapeau, et puis ses yeux ayant rencontré d'abord le portrait de Sylvestre dans sa petite couronne mortuaire en perles noires, il s'en était approché lentement comme d'une tombe. Gaude était resté debout, appuyé des mains à leur table. Il regardait maintenant tout autour de lui, et elle le suivait dans cette sorte de revue silencieuse qu'il passait de leur pauvreté. Bien pauvre, en effet, malgré son air rangé et honnête, le logis de ces deux abandonnés qui s'étaient réunis. Peut-être au moins éprouverait-il pour elle un peu de bonne pitié en la voyant redescendue à cette même misère, à ce granit fruste et à ce chaume. Il n'y avait plus de la richesse passée que le lit blanc, le beau lit de demoiselle, et involontairement les yeux de Yann revenaient là. Il ne disait rien. Pourquoi ne s'en allait-il pas? La vieille grand-mère, qui était encore si fine à ces moments lucides, faisait semblant de ne pas prendre garde à lui. Donc, ils restaient debout l'un devant l'autre, muets et anxieux, finissant par se regarder comme pour quelque interrogation suprême. Mais les instants passaient et à chaque seconde écoulée, le silence semblait entre eux se figer davantage. Et ils se regardaient toujours plus profondément, comme dans l'attente solennelle de quelque chose d'inouï qui tardait à venir. « Gaude, » demanda-t-il à demi-voix grave, « si vous voulez toujours, qu'allait-il dire ?» On devinait quelques grandes décisions brusques comme étaient les siennes, prises là tout d'un coup et osant à peine être formulées. « Si vous voulez toujours, la pêche s'est bien vendue cette année. » J'ai un peu d'argent devant moi. Si elle voulait toujours, que lui demandait-il? Avait-elle bien entendu? Elle était anéantie devant l'immensité de ce qu'elle croyait comprendre. Et la vieille Yvonne de son coin là-bas dressait l'oreille, sentant du bonheur approché. Nous pourrions faire notre mariage, mademoiselle Gaude, si vous vouliez toujours. Et puis il attendit sa réponse, qui ne vint pas. Qui donc pouvait l'empêcher de prononcer ce « oui » Il s'étonnait, il avait peur, et elle s'en apercevait bien. Appuyée des deux mains à la table, devenue toute blanche, avec des yeux qui se voilaient, elle était sans voix, ressemblait à une mourante très jolie. « Eh bien, Gaude, réponds donc !» dit la vieille grand-mère, qui s'était levée pour venir à eux. « Voyez-vous, cela surprend, monsieur Yann, il faut l'excuser. » Elle va réfléchir et vous répondre tout à l'heure. Asseyez-vous, monsieur Yann, et prenez un verre de cidre avec nous. » Mais non, elle ne pouvait pas répondre, Gaude. Aucun mot ne lui venait plus dans son extase. C'était donc vrai qu'il était bon, qu'il avait du cœur. Elle le retrouvait là, son vrai Yann, tel qu'elle n'avait jamais cessé de le voir en elle-même, malgré sa dureté, malgré son refus sauvage, malgré tout. Il l'avait dédaigné longtemps, Il l'acceptait aujourd'hui, et aujourd'hui qu'elle était pauvre. C'était son idée à lui, sans doute. Il avait eu quelques motifs qu'elle saurait plus tard. En ce moment, elle ne songeait pas du tout à lui en demander compte, non plus qu'à lui reprocher son chagrin de 2 années. Tout cela, d'ailleurs, était si oublié, tout cela venait d'être emporté si loin en 1 seconde par le tourbillon délicieux qui passait sur sa vie. Toujours muette, elle lui disait son adoration, rien qu'avec les yeux tout noyés, qu'il regardait avec une extrême profondeur, tandis qu'une grosse pluie de larmes commençait à descendre le long de ses joues. « Allons, Dieu vous bénisse, mes enfants, » dit la grand-mère Mohan. « Et moi, je lui dois un grand merci, car je suis encore contente d'être devenue si vieille pour avoir vu ça avant de mourir. » Ils restaient toujours là, l'un devant l'autre, se tenant les mains et ne trouvant pas de mots pour se parler, ne connaissant aucune parole qui fût assez douce, aucune phrase ayant le sens qu'il fallait, aucune qui leur sembla digne de rompre leur délicieux silence. « Embrassez-vous au moins, mes enfants !»« Mais c'est qu'ils ne se disent rien !»« Oh, mon Dieu, les drôles de petits-enfants que j'ai là, par exemple !»« Allons, Gaude, dis-lui donc quelque chose, ma fille !»« De mon temps à moi, me semblait qu'on s'embrassait quand on s'était promis !» Yann ôta son chapeau, comme saisi tout d'un coup d'un grand respect inconnu, avant de se pencher pour embrasser Gaude. Et il lui sembla que c'était le premier vrai baiser qu'il eût jamais donné de sa vie. Elle aussi l'embrassa, appuyant de tout son cœur ses lèvres fraîches, inhabiles au raffinement des caresses, sur cette joue de son fiancé que la mère avait dorée. Dans les pierres du mur, le grillon leur chantait le bonheur. Il tombait juste, cette fois, par hasard. Et le pauvre petit portrait de Sylvestre avait un air de leur sourire, du milieu de sa couronne noire. Et tout paraissait s'être subitement vivifié et rajeuni dans la chaumière morte. Le silence était rempli de musiques inouïes. Même le crépuscule pâle d'hiver qui entrait par la lucarne était devenu comme une belle lueur enchantée. « Alors c'est au retour d'Islande que vous allez faire ça, mes bons enfants ?» Gaude baissa la tête. L'Islande, la Léopoldine. C'est vrai, elle avait déjà oublié ses épouvantes dressées sur la route. Au retour d'Islande. Comme ce serait long! Encore tout cet été d'attente craintive. Et Yann, battant le sol du bout de son pied à petits coups rapides, devenu fort pressé lui aussi, comptait en lui-même très vite pour voir si, en se dépêchant bien, on n'aurait pas le temps de se marier avant ce départ. Tant de jours pour réunir les papiers, tant de jours pour publier les bans à l'église. Oui, cela ne mènerait jamais qu'au 20 ou 25 du mois pour les noces. Et si rien n'entravait, on aurait donc encore une grande semaine à rester ensemble après. « Je m'en vais toujours commencer par prévenir notre père, » dit-il, avec autant de hâte que si les minutes mêmes de leur vie étaient maintenant mesurées et précieuses.